Continent Science, Stéphane Delisgorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous de Culture Science tous les jours à 14h sur France Culture, en direct de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio et du studio numéro 1, Continent Science. Bonjour à toutes et bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, une sorte de presque de double question qui fait le titre d'une revue qui s'appelle Cité avec un S. Et cette question est la suivante. Que pensent et que veulent les neurosciences cognitives? Et pour y répondre, celui qui a été responsable de ce dossier, qui écrit, qui est avec nous aujourd'hui, il s'agit de Lionel Nakache, qui est neurologue, chercheur en neurosciences cognitives. Mais pour bien sûr respecter notre tradition, nos habitudes, tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens les chevaux. Oui, écoute, les chevaux. Chez les animaux sociaux, il est important de porter de l'attention aux expressions des autres individus. Par exemple, pour identifier des prédateurs ou des sources de nourriture, les chevaux, comme les humains, comme les chimpanzés, comme les bonobos, ont une organisation sociale complexe nécessitant une communication entre individus, bien sûr. Mais contrairement à l'homme, les chevaux possèdent des oreilles grandes et surtout des oreilles mobiles, et leurs yeux sont placés latéralement, alors que nous, ils sont facialement placés. Ces caractéristiques influencent leur communication visuelle. Deux chercheuses britanniques se sont intéressées à cette question. Et d'après Jennifer Wathan, notre étude est la première à examiner un signal potentiel que n'ont pas les humains pour diriger l'attention à les oreilles. Les chercheurs ont pris des photographies de chevaux qui portaient une attention particulière à quelque chose. Ces photographies reproduites à taille réelle ont servi à une expérience. Ces photos étaient présentées à des chevaux qui devaient choisir entre deux seaux de nourriture. À chaque fois, le cheval de la photo prêtait attention à l'un des seaux et non à l'autre. Résultat, dans 75% des cas, les chevaux se nourrissaient dans le seau qui attirait l'attention du cheval en photo. Les chevaux pouvaient donc se fier à l'orientation de la tête d'un autre cheval pour trouver de la nourriture. Puis, les chercheuses ont modifié les photos pour enlever les informations provenant de certaines parties du visage, à savoir par exemple les yeux et les oreilles. En effet, dans un environnement domestique, les chevaux ont souvent des parties de leur visage recouvertes par un équipement d'équitation ou des masques anti-mouches. Lorsque les yeux étaient cachés, les chevaux choisissaient le bon seau dans 58% des cas. Quand les oreilles étaient masquées, le choix se faisait au hasard. Le cheval prenait le bon seau dans 50% des cas, d'où la conclusion de Jennifer Wathan. Les chevaux ont besoin de voir les caractéristiques faciales détaillées des deux yeux et des deux oreilles avant d'utiliser la direction de la tête d'un autre cheval pour les guider. Ces animaux ayant de grandes oreilles mobiles, comme l'on sait, peuvent donc s'en servir pour capter l'attention. Les yeux, eux, fournissent aussi une information, même s'ils sont placés latéralement. D'autres signaux, comme la dilatation de la pupille, et les mouvements des muscles de la face autour de l'œil, pourraient fournir un message sur l'état d'attention de l'animal. Enfin, les résultats dépendaient aussi du cheval en photo. Le fait de couvrir les yeux avait moins d'influence lorsque les chevaux regardaient le cheval appelé MC que lorsqu'ils regardaient le cheval appelé WG. Des différences dans les caractéristiques du visage pourraient donc jouer un rôle. Bref, ces résultats indiquent qu'une combinaison entre l'orientation de la tête, l'expression faciale, les yeux et les oreilles sont nécessaires pour communiquer une attention à notre ami le cheval. Bonjour Lionel Nakache. Bonjour Stéphane. On pourrait faire un peu de neurobio-cognitive avec les chevaux. En vous écoutant, je voyais que ça peut être aussi un bon exemple pour nos auditeurs de voir qu'en fait on partage exactement cette champ méthodologique, c'est-à-dire que ce que vous avez raconté sur les chevaux, oui, c'est ce que l'on peut appliquer évidemment à d'autres animaux, d'autres mammifères, par exemple des humains, pour étudier les mécanismes de l'attention, les indices visuels, les indices du visage exactement, qui vont être un vecteur d'émotion ou bien d'attention partagée. Donc toute cette gamme d'études comportementales ou également neurophysiologiques, c'est-à-dire qui combinent l'observation fine ou la manipulation expérimentale de certains paramètres, oui, du comportement couplé à l'enregistrement d'activité cérébrale, et bien tout ça, c'est la gamme d'outils qui nous permettent aujourd'hui de travailler et d'essayer de construire de nouvelles briques dans l'identification des mécanismes cérébraux qui sous-tendent des comportements comme l'attention vers un seau de nourriture, mais aussi vers le regard d'une mère, ou bien vers la prise de décision dans une situation complexe avec un problème explicite à résoudre. Voilà, donc il y a une sorte de continuum dans ces outils, dans les méthodes nous utilisons. Voilà. On a appris récemment, alors, je vous donne ça, Lionel Nakache, vous êtes peut-être au courant, moi je l'ai appris durant ce week-end, ça va évidemment pas être le sujet de notre émission, mais il paraît que les bébés adorent babiller entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont plus intéressés par le babille réciproque que par une voix d'adulte, c'est-à-dire que dès qu'ils sont avec un autre qui fait blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl vous m'apprenez quelque chose. Je ne connaissais pas cette étude-là. Mais cette étude-là, que je ne connaissais pas, s'inscrit par contre, elle, pour le coup, dans un champ assez excitant, je trouve, d'études contemporaines, sur le fait que, contrairement à notre intuition initiale ou nos connaissances premières, un bébé humain, en fait, dès la naissance, naît avec un cerveau qui est loin d'être une table rase. C'est-à-dire qu'il y a déjà une maturation cérébrale, même une spécialisation des régions cérébrales, qu'on imaginait, en fait, même du côté des neurosciences, cette maturation n'apparaît que bien plus tard, même par exemple. Et je pense aux travaux de Ghislaine Dehaene et de son équipe sur la latéralisation des aires du langage chez des bébés de 3 mois. Voilà, donc il y a tout un ensemble de données qui nous permettent non pas d'avoir les idées, une transparence totale sur la pensée des bébés, mais d'avancer là aussi par petits pas, de se rapprocher des mécanismes qui sont à l'œuvre en fait. Et Dieu sait si ça travaille d'ailleurs à tous les niveaux, même au niveau purement neurobiologique, puisque il en faut là de la création de neurones pour arriver à 1 milliard et on est avec tous les circuits grosso modo équipés vers 18 ans, petit rappel et que ça commence, comme vous le dites, Lionel Nakache, extrêmement tôt. Alors revenons directement à ce numéro 60 de la revue Cité qui pose donc cette question. Et que pensent et que veulent les neurosciences cognitives? Alors vous avez, avant qu'on passe au contenu direct de votre papier, arrêtons-nous simplement à que veulent. Et là, vous avez été embarrassé, parce que vous vous êtes dit, que veulent? Qu'est-ce que c'est que cette question? Que veulent les neurosciences? Oui, c'est-à-dire que ce numéro est né d'un échange entre Yves-Charles Arca, qui est le rédacteur, philosophe, qui dirige, qui a créé en fait cette revue Cité, et puis qui, en ayant un échange il y a quelques années avec moi autour des neurosciences, un échange assez vigoureux même, on pourrait dire, m'a proposé cette question. Et alors, moi, comme élève studieux... Et malicieux, quoi. J'ai trouvé ça intéressant de prendre cette question parce que la question me paraissait déjà porteuse de beaucoup d'informations. Oui, et puis de non-dits, Voilà. Donc, en fait, mon article, l'un des deux articles que j'ai signé, vise en fait à faire parler la question. En fait, à faire une sorte d'exégèse de la question qui nous permet de mieux comprendre aussi les attentes, les réserves, le scepticisme qu'il peut y avoir face aux neurosciences lorsqu'on n'est pas soi-même neuroscientifique. Et par exemple, lorsqu'on est philosophe, ou en tout cas, là, on prend l'exemple de Yves-Charles Arca, mais ce numéro va évidemment bien au-delà de nos deux personnes. L'idée, c'est de parler de cette discipline. Et plus largement, et ça je pense que c'est un sujet qui intéresse, en tout cas moi, qui intéresse, je pense, beaucoup de monde, c'est comment repenser les relations entre ce qu'on peut appeler, disons, les sciences de l'homme, les sciences humaines, et ce nouveau rejeton des sciences humaines, en fait, mais qui vient de la biologie, que sont les neurosciences de la cognition. Bien sûr. Cette rencontre, cette interface-là, me semble intéressant à explorer. Alors évidemment, il y a une boutade, vous ne l'avez pas ratée, c'est-à-dire que vous vous êtes amusé à dire, après tout, et là ça montre évidemment tout ce qu'il y a de sous-jacent, toutes les connotations, et en particulier aussi certaines connotations dans cette question qui sont connexes mais négatives. On ne demande pas à quelqu'un, mais que veut la mécanique quantique? Que veut la gravitation universelle? La première chose, c'est que cette question... Que veut le boson de Higgs? Voilà, exactement. Quand vous entendez ça, que veut la chimie organométallique ou que sais-je? C'est votre exemple. Le fait de s'autoriser à poser la question montre qu'on est déjà dans une posture particulière qui trahit une certaine anxiété ou en tout cas une certaine réserve. Alors, je vais pas utiliser un argument de psychanalyse, de résistance, mais en tout cas, la question elle-même est intéressante. Elle est porteuse de sens. Et si j'essayais de la creuser, c'est pas du tout dans un objectif polémique, mais c'est parce que je pense qu'elle permet de viser un ensemble de choses. Un ensemble de réactions auxquelles on peut pour une part répondre, et d'autre part, un ensemble de réactions qu'il me semble extrêmement important du point de vue des neurosciences, de les prendre en compte, d'y faire attention, de comprendre le message qui est associé, et on va, je pense, en parler là aujourd'hui. Ah mais oui. Mais autrement dit, l'utilisation de certaines données des neurosciences pour arriver à revisiter des vieilles questions comme la perception, la prise de décision, la prise de conscience, et tous leurs prolongements dans la cité. C'est-à-dire les prolongements qu'on pourrait appeler vraiment qualifiés de politiques. Si vous avez des connaissances objectives sur la manière de laquelle un cerveau peut apprendre à lire, eh bien évidemment, ça ne va pas être sans conséquence sur des interfaces avec la pédagogie. Et il y en a. Il y en a. La même chose pour le droit, la même chose pour la santé, évidemment. Évidemment, bien sûr. Donc on voit bien qu'il y a ici un enjeu politique au sens noble du terme. C'est-à-dire oui. que c'est une branche des sciences qui, non pas de manière accidentelle, va se répercuter sur la vie des gens, mais de manière, on pourrait dire, presque explicite. Et c'est un des points du projet. C'est qu'en fait, et c'est ce qui peut aussi faire parfois donner l'impression qu'il y a une sorte de programme, d'idéologie. Et là-dessus, par contre, moi, je m'élève vraiment très, très fortement. C'est-à-dire que les neurosciences, les neuroscientifiques, sans non plus réifier les choses, on n'est pas tous les mêmes, mais en tout cas, l'idée, c'est de faire de la science. C'est-à-dire que vous êtes face à une question dont vous vous emparez parce qu'elle vous intéresse. Il y a un phénomène que vous essayez de comprendre. Par exemple, en ce qui me concerne, la prise de conscience. Comment on prend conscience d'une information subjectivement? Et puis, vous essayez de faire la part des choses dans les mécanismes du cerveau et dans les propriétés psychologiques qui sont associées à ça. Donc, au début, vous savez pas où vous allez. Donc, vous n'avez pas une sorte de raisonnement téléologique, vous n'êtes pas un créationniste, vous n'avez pas un plan, un agenda. Année 1, je fais ça, année 2. Donc, c'est pour ça que que veulent les neurosciences, moi, je trouve, est assez gênant, dans le sens où nous ne voulons rien d'autre que exercer notre raison, voilà. comme on le fait dans les autres domaines du savoir, en fait. Et donc, évidemment pas, puisque le mot est noté, pas d'agenda caché, qui serait une volonté que certains, d'ailleurs, expriment, d'une sorte de volontariat expansionniste, de maîtrise. On peut d'ailleurs, avant d'aborder le contenu, de regarder deux choses. De l'intérieur, il y a évidemment certaines critiques qui font que, en particulier, certains disent on retrouve pas l'humain, il y a un réductionniste tout craint, un déterminisme idiot, un matérialisme niais, et puis de l'autre côté, on retrouve le même phénomène que avec la génétique, c'est-à-dire que à un moment il y avait la génétique de l'homosexualité, hein, le gène homosexuel, ça marche très bien pour naturaliser quelque chose qu'on connaît pas très bien, hein, qui est la nature de l'homosexualité, le gène de l'alcoolisme, et on retrouve la même chose avec certains résultats complètement métaphorisés, et cette fois on est dans l'univers de la mode et l'univers commun, voire des grands médias, c'est-à-dire cognitivement, on sait très très bien maintenant qu'il y a une prédestination purement cognitive, un prédéterminisme cognitif pour la délinquance primitive, ou la délinquance des jeunes. Voilà, ce sont des bons exemples que vous donnez. C'est-à-dire que là aussi, on tombe sur quelque chose qui peut être extrêmement dangereux, c'est la simplification abusive. C'est-à-dire que, très honnêtement, souvent lorsque vous brandissez l'argument de la complexité, moi je suis assez sceptique parce que de manière générale, souvent lorsqu'on fait appel à la complexité, c'est que souvent on a un problème, on n'est pas très franc, on essaie de ne pas être franc du collier justement, et donc du coup d'essayer de noyer une sorte d'idée cachée dans une sorte de mélange un peu confus. Mais il existe des situations dans lesquelles vous devez respecter la complexité des phénomènes, et là par exemple, évidemment, c'est une chose d'identifier un facteur qui peut avoir un rôle causal dans un phénomène beaucoup plus complexe qui ne dépend pas que de ce facteur. Oui. Et de la même façon qu'un cerveau dans un bocal ne fait rien, une région cérébrale dans un bocal non plus. Ces cerveaux, ils sont dans des corps humains qui ont aussi une histoire singulière, individuelle, qui s'inscrivent dans un corps social, qui ont une histoire collective, etc. Donc, évidemment, c'est pas parce que vous arrivez à identifier de manière certaine un principe de causalité qui se joue à un de ces niveaux d'organisation que je viens d'énoncer que vous allez réduire le phénomène que vous étudiez uniquement aux facteurs ou aux paramètres que vous avez réussi à impliquer dans l'histoire, si vous voulez. Et ça, ce sont deux choses très différentes, et à la fois de l'intérieur, c'est très important d'avoir conscience de ça, mais je pense, sans parler collectivement, que la plupart des scientifiques savent très bien que lorsqu'ils étudient, par exemple, l'influence d'un mécanisme dans une prise de décision, ils ne réduisent pas l'ensemble du processus de prise de décision à ce mécanisme précis. Simplement, ils montrent que ce paramètre-là joue a un rôle. Et que donc, du coup, il faut respecter. Il faut prendre en compte ce rôle. Donc, ne fermer les yeux en disant non, c'est un réductionnisme stupide, c'est une sorte d'ignorance, en fait. Et puis, inversement, réduire toute la richesse d'un phénomène à un de ces mécanismes est également une erreur. Donc il y a au moins deux écueils, par exemple, ces deux écueils-là. On peut même le prendre strictement au niveau génétique, puisque en particulier pour des histoires de violence, on s'est rendu compte que sur le chromosome Y, il y avait deux allèles à un endroit, un qui s'appelle H pour aller vite, un autre qui s'appelle L. Et quand on regarde la combinaison, par exemple, de l'allèle que présente un individu, il peut y avoir la présence de celui qui est caractérisé comme celui qui amène un individu au passage à l'acte, à la violence. Et puis on peut s'apercevoir aussi que l'ayant, il ne passe pas à l'acte. Là encore, il n'y a pas de déterminisme. Il y a une espèce de combinatoire fine. Et celui qui, au contraire, a le bon allèle, si je puis dire, entre guillemets, peut être un super violent. Donc là encore, il faut regarder. C'est multifactoriel. Alors, tout ne l'est pas, mais il y a beaucoup de phénomènes qui le sont. Bien sûr. Et que c'est vrai que la génétique, l'histoire de la génétique récente au XXe siècle, c'est-à-dire entre, disons, une sorte de vision tout génétique et puis une valorisation de plus en plus importante de l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui va échapper à la génétique, mais qui va en plus dépendre de la génétique pour arriver à une pluralité de possibles, ce que vous venez de dire, c'est un point qui est important. Mais à nouveau, là, peut-être qu'il y a des mouvements de balancier de l'histoire de la science. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour arriver à créer une page nouvelle de la science, vous avez besoin de jouer une hypothèse, d'aller à fond dans cette hypothèse pour comprendre ce qu'elle veut dire. Sinon, vous savez, à la limite, je pense même avant que l'ADN ne soit découvert, je pense qu'on pouvait tenir aussi des propos, disons, de philosophie extrêmement sage et humaniste en disant, vous savez, il doit y avoir de l'inné, mais il y a aussi de l'acquis, les deux jouent. Ça nous apprend pas grand-chose une fois qu'on le sait. Ça, on le sait, tout ça. Maintenant, le point important, c'est de mettre les mains dedans et de savoir exactement comment ces phrases générales peuvent arriver à résonner. Et peut-être c'est un des points qui, moi, en tout cas, me semble les plus intéressants. Vous savez, parfois, quand vous faites des énigmes mathématiques ou des énigmes de logique, avec des enfants ou même avec des adultes, souvent, l'astuce consiste à sortir de votre cadre conceptuel. Il faut sortir de la boîte, quoi. Arriver à voir un truc que vous n'aviez pas vu. Ce qui veut dire qu'en fait, et la science, en fait, si vous réfléchissez, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'essayer de sortir d'une boîte. La boîte, c'est la boîte qu'on utilise au moment X quand on est en train de parler. Oui. Et que la façon de faire ça, ça veut dire que quand vous allez chercher, quand vous allez découvrir, quand vous allez vous tromper, quand vous allez redéfinir les termes de votre langage. Donc il y a un processus dialectique là. Et je pense qu'il ne faut pas figer les choses. Si vous figez quelque chose, bien vous n'avez rien trouvé en fait, rien du tout. Mais à l'inverse, et ça je pense qu'il faut le souligner, le risque c'est qu'il y ait un court-circuit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que vous savez de la nature à un moment donné vous amène à simplifier à outrance ce que vous êtes en train d'étudier et à en tirer des conséquences pour la vie des citoyens, la vie de la cité. Vous parlez des dépistages ultra précoces, etc. Et ça, évidemment, il faut être extrêmement vigilant, mais ça n'est pas inhérent, je dirais, à l'exercice de la science. Bien sûr. France Culture, Continent Science. Stéphane Deligeorges. Alors, retour avec Lionel Nakache sur cet exercice en fait qui consiste à avoir posé la question dans la revue Cité, que pensent et que veulent les neurosciences. Revenons maintenant évidemment pour celui qui comme moi par exemple, observateur des neurosciences, est parfaitement convaincu du grand programme de naturalisation de la pensée. Il n'y a pas de pensée sans cerveau, mais on reste quand même, restons à ce niveau de généralité, à ce niveau d'étonnement. Oui. On reste quand même toujours, pas dubitatif, mais on a envie de se dire, c'est une pensée fuyante quand on, même avec les bons résultats de neurosciences, comment s'inscrit dans ce matériel génétique la conscience, et en particulier la conscience de soi? C'est quand même étonnant. Est-ce que c'est une interface? Qu'est-ce qu'on peut répondre comme ça? Parce que, très vite, vous dites qu'il y a une sorte de paradigme ou une hypothèse centrale dominante. Laquelle est-elle pour vous? Alors, sur les bases cérébrales de la conscience, vous voulez dire, c'est ça? Oui. Il s'avère que c'est mon domaine, vraiment, mon champ d'étude depuis. C'est ce qui m'a attiré dans ce domaine depuis, à la fois en médecine, en neurologie et en sciences, depuis presque une vingtaine d'années. Et les travaux, notamment, qu'on développe avec Stanislas Dehaene, mais aussi avec d'autres collègues, nous ont amené à explorer à la fois ce qui se passe du point de vue psychologique et cérébral lorsqu'on prend conscience d'une information. Et ces résultats, en gros, pour le dire, extrêmement brève et ramassée, il y a un point intéressant, c'est que notre cerveau fonctionne en permanence et que la plupart des choses qui sont codées, qui sont représentées dans des réseaux cérébraux, nous n'en faisons pas l'expérience consciente en première personne. C'est-à-dire que ce ne sont pas des représentations mentales que nous pouvons nous rapporter à nous-mêmes. Je suis en train de penser cela, je suis en train de vous voir, etc. Donc si on utilise ce critère très réflexif en fait, de la conscience, qui est la capacité à se rapporter nos états mentaux, on a pu montrer, quand je dis on, c'est collectif, c'est pas que nous, qu'il y a une foultitude de représentations mentales très complexes, parfois sémantiques, qui ont lieu en permanence, dans notre traitement du monde extérieur, mais également du monde intérieur, probablement également de réminiscences de phénomènes intérieurs, comme des souvenirs, des intentions, etc., dont nous n'avons pas conscience à un instant particulier. Et pour autant, nous avons en général, lorsque nous sommes en bonne santé et éveillés, nous sommes dans un état de conscience, c'est-à-dire que nous avons conscience de quelque chose. Et la manière de laquelle on prend conscience de quelque chose ressemble un petit peu à une sorte de conversation cohérente à l'échelle du cerveau. Si je peux me permettre une métaphore, si on imagine qu'un cerveau soit, par exemple, corresponde à 100 personnes dans une salle, à un cocktail par exemple, eh bien on va dire qu'en permanence, les petites discussions de 2-3 personnes, ça reflète assez bien ce qui se passe à travers les réseaux cérébraux très très nombreux qui font qu'il y a plein de discussions parallèles. Et puis si à un moment donné, quelqu'un est capable de prendre une parole qui va diffuser à la plupart de ses autres auditeurs, donc il va y avoir un message qui va être diffusé au sens physique du terme dans des régions du cerveau. Donc les régions du cerveau distantes vont se mettre à converser entre elles, mais pas de manière non plus aléatoire, pas de manière aussi stupide. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit assez riche, assez différencié. C'est-à-dire que lorsque nous sommes conscients, il y a cette conversation cohérente. Mais cette conversation, c'est assez intéressant parce que la métaphore, on peut l'utiliser dans tous ces termes. Ce n'est ni un cri, c'est ni « vive le PSG », par exemple. J'ai rien contre le PSG, mais je veux dire, ce n'est pas un cri unifié où tout le monde perd son identité. Oui, oui. C'est une discussion dans laquelle chacun des partenaires, et je pense ici aux réseaux cérébraux, aux réseaux cérébrales, bien sûr, gardent leur spécificité, leur différenciation. Et pour autant sont capables d'échanger de manière cohérente de l'information. Et donc, par exemple, lorsqu'il n'y a pas cette communication, c'est par exemple dans le coma, dans le sommeil profond, il n'y a plus de conscience, mais il y a encore du traitement cérébral, mais il n'y a plus de conscience. Et puis si à l'extrême, tous ces interlocuteurs du cerveau se mettent à crier la même chose ensemble, eh bien ça s'appelle une crise d'épilepsie, c'est-à-dire qu'en gros tout le monde fait la même chose au même moment. Et une crise d'épilepsie, j'entends une forme où les gens perdent conscience. Donc on peut s'intéresser à cette mécanique cérébrale qui nous permet de... Alors ensuite la question est de savoir, vous le soulignez, à quel point quand vous découvrez ça, c'est intéressant ou pas pour la philosophie. Et c'est une vraie question. C'est-à-dire à quel moment même du point de vue de la psychologie, il y avait un courant de psychologie qui s'appelle le fonctionnalisme, qui vise à dire, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est les propriétés de l'esprit. Et l'esprit, je suis désolé de vous le dire, c'est pas le cerveau. Peut-être que le cerveau est indispensable pour l'esprit, mais il y aurait une erreur de catégorie de penser que le cerveau égale l'esprit. Le cerveau n'est pas égal à l'esprit. Donc il n'y a pas d'erreur de catégorie à faire, il n'y a pas d'identification. Pour autant, vous pouvez vous dire, est-ce que si je comprends la manière de laquelle l'esprit s'incarne dans l'activité d'un cerveau, ça va m'intéresser, ça va m'informer sur qu'est-ce que c'est que l'esprit? Et ça, c'est une grande question philosophique au sujet de laquelle on peut discuter. On peut ne pas être d'accord, évidemment. Évidemment, mais on va bien sûr y revenir. Mais pour le dire autrement, et vous allez confirmer ou infirmer mon résumé, puisque là, il s'agissait donc de la situation de ce que vous appelez le tableau de travail. Enfin, vous allez nous dire tout de suite. L'espace de travail global. L'espace de travail global conscient qui remonte au travail conjoint de Changeux et de Stanislas Dehaene, et puis ensuite repris et perfectionné. Donc, il y a une espèce de, je le dis comme ça, une espèce de charivari permanent par des tas de circuits qui sont en action, en discussion entre eux, des sous-systèmes. Et puis d'un seul coup, et ça c'est la prise de conscience, et elle peut être même au deuxième degré, c'est-à-dire on peut être déjà, sans être réflexif, on peut être conscient que je perçois cet autobus, et puis je peux être conscient que je perçois cet autobus, c'est-à-dire que c'est au deuxième degré, donc c'est la conscience de la conscience, la réflexivité. Et là, évidemment, autant il y a une espèce de grande agitation pour faire image, et puis d'un seul coup, le cerveau fixe quelque chose de conscient, et là, c'est une chose à la fois. Absolument. Et c'est ça. Alors, c'est un argument fort de notre théorie. Il s'avère qu'il y a beaucoup de données expérimentales, empiriques, qui nous permettent de solidifier cette hypothèse. Oui. Mais c'est une hypothèse absolument qui est intéressante parce que elle vise à inscrire, alors c'est pas par exemple en physique, on connaît ça depuis longtemps, mais elle vise à inscrire des phénomènes tout ou rien, des phénomènes non linéaires, qui comme des bascules entre des états, en fait, dans l'activité d'un cerveau qui lui-même est constitué de beaucoup d'éléments, beaucoup de neurones, beaucoup de circuits, mais de voir que lorsque nous, subjectivement, nous disons « j'ai pris conscience de quelque chose », il semble que ce discours subjectif soit associé à un événement mental, un événement cérébral qui soit la signature de cet événement mental et qui présente ces particularités que vous venez d'énoncer. C'est-à-dire que l'apparition soudaine d'un état de stabilité qui correspond à cette conversation intégrée. Oui. Alors, mon point de vue là-dessus, c'est qu'une fois qu'on comprend ça, ça peut nous renseigner sur qu'est-ce qu'on entend par la question de la conscience, et même oui. d'un point de vue purement psychologique, même d'un point de vue purement philosophique. C'est-à-dire, je pense, c'est un débat à ouvrir. Et de ce point de vue-là, pour nous, l'interface avec la philosophie et les sciences humaines est extrêmement importante, en tout cas pour moi, est très important. Et dans ce contexte-là, je me permettrai juste de rappeler l'auteur que vous avez reçu récemment, Denis Forest, qui est l'auteur, à mon sens, d'un livre extrêmement important qui s'appelle Neuroscepticisme. scepticisme, oui, et qui vise à poser de manière extrêmement méthodique. Et c'est un livre qui est très amusant, très, très bien écrit et puis très plaisant à lire. Et qui, très informé. Et très informé. Et alors, vraiment, c'est le genre de philosophie dont nous avons besoin. Par ailleurs, on n'est pas obligé de lire de la philosophie parce qu'on en a besoin. Mais il s'avère qu'on a un besoin de philosophie. Et on a besoin de philosophes qui soient neuroscientifiquement informés. Et ça existe, mais c'est extrêmement important. Parce que ça permet évidemment de ne pas fantasmer les outils ou les méthodes ou les résultats que nous avons, mais néanmoins, en ayant fait l'effort de s'approprier cette connaissance, d'être capable d'en saisir les points de fragilité, les points de discussion, les points qui appellent aussi une distance critique, et ceci est vraiment magnifiquement développé dans cet ouvrage. Alors, une cascade, certaines avec réponses courtes, une cascade de questions, certaines avec réponses courtes et d'autres avec des réponses plus développées, mais vous avez dit tellement de choses intéressantes. Je reviens à mon histoire donc de cerveau conscient, oui, hein, et réflexif. Il faut quand même pas trop l'agiter à ce moment-là. Et le génie Kahneman, hein, qui en fait est le premier prix Nobel de psychologie, bien que il se soit occupé du comportement économique des individus et du comportement subjectif des individus, hein, eh bien quand on pose des questions, par exemple, en précipitant quelqu'un qui est très très bon en probabilité statistique, eh bien très souvent il se gourre, il se trompe, hein, et donc, si on peut se permettre, le moment de prise de conscience, le cerveau est lent. Absolument. C'est une étape limitante de la pensée. La conscience est extrêmement lente, en fait. On peut en faire l'expérience tous les jours, hein, même dans la vie de tous les jours. Quand, par exemple, vous marchez dans la rue, vous évitez un obstacle, très souvent, votre jambe a évité l'obstacle sans ou avant, un dixième ou deux dixièmes de seconde, avant que vous-même, vous n'ayez eu la prise de conscience de l'identité de l'obstacle. Ou bien si, je ne suis pas musicien, mais si vous jouez du piano ou du violon, si vous commencez à essayer de prendre conscience des notes que vous êtes en train de jouer, souvent, ça va jouer un seul tour. Quand vous jouez au tennis, très souvent, la faculté d'identifier un projectile qui va très vite vers vous, eh bien, se fait de manière totalement inconsciente. Donc, on a tout un ensemble de situations de la vie de tous les jours qui nous montrent bien qu'effectivement, la conscience est un processus extrêmement lent qui peut des fois même d'ailleurs pénaliser certaines performances rapides. Mais son avantage, comme vous l'avez souligné, et il y a un lien très fort évidemment avec les travaux de Kahneman et Tversky qui est décédé précocement, qui avait montré qu'effectivement, nous avons, pour aller vite dans les relations entre les deux systèmes, nous avons des systèmes parallèles inconscients qui vont très vite, qui ont probablement été sélectionnés par l'évolution, et qui, même si on les découvre par leurs erreurs, la plupart du temps marchent sacrément bien. Et c'est cette facilité, ces heuristiques, hein, qui permettent de fonctionner de manière extrêmement efficace et de garder, entre guillemets, sans être trop finaliste, votre conscience pour les choses compliquées. Oui. Et puis vous vous en rendez compte parce que si, par contre, une heuristique vous conduit à prendre une décision incorrecte, eh bien, vous pouvez, avec votre système lent, récupérer les choses, réparer et reprendre en main consciemment l'appréhension de la situation, par exemple. Alors, deuxième question là encore. Deuxième question. Oui, on pourrait, à la limite, répondre par oui ou non, puisque je suis absolument sûr de la réponse. Mais il y a plusieurs postures, il y a plusieurs relations entre, en particulier, restreignons les choses, les neurosciences cognitives et la philosophie. Mmh. Il y a, dans l'exercice fait par l'auteur que vous venez de citer, qu'on a invité il y a peu, voilà, Forrest, il est en position, on va dire, d'épistémologue, c'est-à-dire qu'il fait de la philosophie des sciences ou de l'épistémologie des neurosciences. Oui. On pourra donner un exemple justement après. Il y a aussi on peut pas imaginer le développement des neurosciences s'il n'y avait pas l'apport conjoint et depuis les années 30 du courant philosophique analytique anglo-saxon avec, et vous les citez tous, hein, avec Hilary Putnam, le cerveau dans une cuve. On pourrait multiplier avec Quine, avec Stellar, avec récemment avec Dennett par exemple, ou avec Dennett, voilà, bien sûr, ou avec Searle, évidemment. Donc ils sont des accompagnateurs et ils sont pas bénis d'une certaine manière pour vous, parce que la réciproque est vraie. On ne peut rien dire aujourd'hui sur la volition en philosophie, sauf à faire de l'histoire de la philosophie, si on n'est pas au courant de ce qui se passe. Moi, je pense qu'on peut dire des choses en philosophie, évidemment. Je veux dire, la philosophie, comme toutes les disciplines, est aussi une discipline autonome, au sens où quand vous plongez dans la subtilité d'une discipline, donc quand vous n'êtes pas interdisciplinaire, eh bien vous avez accès souvent à une richesse de concepts qui est beaucoup plus, et ça je le reconnais dans toutes les disciplines, mais là où nous avons un besoin, c'est que nous sommes en train, là aussi le nous est collectif, hein, c'est un champ de science qui produit un ensemble de données nouvelles, et ces données nouvelles sont pour l'instant appréhendées avec des outils conceptuels qui sont assez vieux, on pourrait dire, et que là où nous avons besoin de regard extérieur, c'est précisément là, c'est pour nous arriver à être capable de lire ces données nouvelles avec des concepts nouveaux. Oui. Et ça, par exemple, je ne sais pas, le concept de représentation mentale qui est omniprésent dans les neurosciences contemporaines, parce qu'il y a une tradition concevoir les sciences cognitives, la naissance des sciences cognitives, c'est de considérer la vie mentale comme un jeu d'information. Donc d'utiliser la métaphore de l'information, mais au sens fort du terme, pour arriver à décrire les états mentaux. Dès que vous faites ça, vous arrivez effectivement à réifier, ou en tout cas à réinjecter la notion de représentation mentale. Oui. Mais ce concept-là a lui-même une histoire philosophique, psychologique, très ancienne. Et la manière de laquelle nous collectons des données aujourd'hui contemporaines appelle une réflexion de fond sur ces concepts que nous utilisons. Et là, d'après moi, il y a un champ entier à revisiter, c'est que nous sommes en train de récupérer des données, de produire des données, mais ces données sont encore en attente de fondations conceptuelles. C'est-à-dire que la plupart des modèles dont nous disposons sont des modèles qui ont des hypothèses qui sont, pour aider, assez molles. C'est-à-dire que la faiblesse de ces modèles, qui sont très transdisciplinaires, qui sont très productifs, c'est qu'ils sont encore en attente d'efforts de synthèse. Donnons... Et là, il y a évidemment un besoin d'interaction qui me semble évident, je veux dire. Donnons un exemple, Lionel Nakache, qui là est quand même un apport, puisque c'est de la psychologie expérimentale. Oui. En fait, c'est de la théorie cognitive et qui montre la situation devant une procédure de décision et qu'on n'avait pas vu. Qu'on n'avait absolument pas vu, et donc je donne tout de suite la conclusion, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de crainte de la perte dans la décision. Voilà un beau jour que, admettons, j'achète un billet à 100 euros pour un spectacle d'opéra. Très bien. Et puis après, je cours acheter un billet pour une partie une compétition de tennis à 50 euros. 150 euros, le total. Et puis je regarde bien, je vois que les tickets montrent que c'est le même jour. Alors, prise des décisions. Eh bien, je décide, alors que j'ai une légère préférence pour le tennis, j'y vais un petit peu par volontarisme culturel, pour bien connaître le théâtre, je prends l'opéra. Absurde. Pourquoi? Parce que j'ai perdu de toute façon 150 euros, exactement, de toute manière où je les ai dépensés. Étrange, absolument, non? Absolument. Donc, on voit que dans ce calcul des probabilités bizarroïdes et de la prise de décision, eh ben, je vais aller voir l'opéra, je vais un peu m'emmerder peut-être, mais la partie de tennis, je l'aurais pas vue. Voilà. Alors ça, le biais que vous venez de décrire, en fait, c'est fait partie des fameux biais de Kahneman et Tversky. Oui. Et dans le numéro de Cité dont nous parlions, Mathias Pisiglione, qui est un expert de ces processus de prise de décision, dans des jeux économiques ou pas, écrit un article vraiment très, très éclairant et qui liste un certain nombre de ces heuristiques, qui nous permettent de mieux comprendre ce que c'est que la prise de décision. Et ce dont vous parliez, c'est très important parce que, par exemple, un des messages récents des neurosciences de la perception, c'est que la perception, là aussi, loin d'être un processus passif sur lequel une lumière s'imprimerait dans l'esprit du sujet, relève essentiellement de la décision. C'est-à-dire que les mécanismes de la perception partagent beaucoup avec la prise de décision au sens où il y a une sorte d'investissement des objets à percevoir. Et donc, dans même l'identification et l'interprétation de ce que nous percevons, il y a des processus qui s'apparentent énormément à ce que l'on observe dans la prise de décision d'action ou de geste ou de séquence, par exemple. Bien voilà, allègrement franchi le mi-temps sur ces notes de piano, le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie de Lionel Nakache, et toujours autour des questions. Que veulent de cette question double, cette question presque bifide, que pensent et que veulent les neurosciences cognitives? Vous avez intitulé une des sous-parties de votre article, Lionel Nakache, « Qu'est-ce qu'un bon voisin ?» Alors j'en profite d'ailleurs pour confirmer, là encore sur un autre domaine, l'alliance évidemment entre la philosophie et la science, c'est que certains philosophes très très informés, je pense par exemple à Joël Proust, oui, très informés des neurosciences, reprennent par exemple la question de la représentation. Oui. Et par exemple aussi, la représentation va engager, et là aussi bien sur le terrain philosophique, parce que ce sont des concepts subtils et difficiles, que sur le terrain expérimental, et on pense aux travaux évidemment de Stanislas Dehaene, sur la métacognition. Oui. C'est-à-dire que rien que la perception est devenue d'une complexité telle que il y a tout un travail d'anticipation. On n'est pas seulement comme une espèce de caméra rigide en train de se dire tiens, j'ai Lionel Nakache devant mes yeux. Non. Il y a tout un travail permanent d'élaboration qui va finir par me dire oui, bah, j'ai vraiment bien Lionel Nakache. Mais aussi, si j'ai une rivière à sauter, je vais réfléchir. Il va se passer tout un travail, presque un travail donc d'évaluation statistique entre les possibilités. Et je me dis, ah ben non, là, il faut pas que je saute parce que je vais tomber au milieu, je vais être noyé. Ah ben là, je peux, parce que j'ai bien mesuré. Donc on voit que sur un simple exemple comme... c'est vraiment du cognitif pur, quoi. C'est le chapitre général de l'ensemble. Et qui se détaille après dans le perceptif, dans l'acte de volition, ainsi de suite. Oui. Vous êtes alors c'est pour ça que je pense que, justement, ce bon voisinage entre les disciplines, il repose sur des principes importants. Oui. Avant tout, des principes d'éducation. C'est-à-dire que il y a évidemment, on pourrait dire, une culture conceptuelle et philosophique à avoir quand vous faites des neurosciences cognitives. Oui. Et justement, en commençant par éviter tout ce qu'on peut appeler, voilà, ces erreurs de catégorie, ou lorsqu'on discute avec des philosophes, disons, un peu le courant, un peu post-moderne, ou en courant, en tout cas, après Wittgenstein, etc., on insiste beaucoup sur les erreurs de langage, sur le fait que le langage utilisé pour formuler des concepts est au moins aussi important que les concepts formulés, et que souvent, il peut y avoir là des sources d'erreurs. Oui, c'est et le les grand erreurs tournant de catégorie... du linguistic turn. Absolument. Ça. Alors, il y a des points, je pense qu'il y a des points qui sont tout à fait recevables. C'est-à-dire que, évidemment, on en disait un mot tout à l'heure, mais un cerveau n'est pas un esprit. Ce qui ne veut pas dire que l'esprit a besoin du cerveau et que l'esprit s'incarne dans l'activité du cerveau. Mais quand vous parlez d'un bout de cerveau, vous ne parlez pas de l'esprit. C'est comme quand vous êtes à l'école primaire et que vous commencez à faire des équations à deux inconnues où vous mélangez pas les catégories, etc. Bon, ça c'est une chose. Pour autant, ensuite, le point, donc ça c'est du point de vue des neuroscientifiques, il y a une éducation conceptuelle qui peut être toujours parfaite, etc., mais qui est importante même pour savoir appréhender les phénomènes qu'on évalue. Mais à l'inverse, je pense aussi qu'il y a vraiment une curiosité à éveiller du point de vue de l'interlocuteur philosophe, en tout cas dans cette relation de voisinage. J'entends très bien, je peux très bien concevoir que quelqu'un puisse consacrer sa vie à explorer des questions dans lesquelles le cerveau n'a aucune place et dans lesquelles les neurosciences n'ont aucun intérêt, et ça me semble tout à fait sain, je veux dire, évidemment. Mais dès lors qu'il s'agit de développer une pensée qui va se prononcer sur les neurosciences, je pense que la moindre des choses, c'est de savoir de quoi on parle. Oui. Et donc d'ouvrir la porte, bien sûr, de voir ce qui est pensé. Et peut-être là, parfois, typiquement, les arguments sur, disons, après linguistic turn, etc., là, on pourrait très bien discuter. Je pense qu'il y a parfois des versions radicales qui sont déployées, qui sont probablement pas valides. Je veux dire par là que, par exemple, une fois que vous savez, et que, une fois de plus, c'est facile à formuler, c'est plus difficile à prendre en compte, mais une fois que vous savez qu'effectivement, ce que vous allez observer d'un cerveau, du fonctionnement du cerveau, va peut-être, sans doute, vous permettre de comprendre des mécanismes cérébraux qui sont associés à certaines fonctions mentales, voilà, sans identifier éventuellement les termes. Eh bien, quand vous faites ça, je pense que ça vous apprend en retour énormément de choses sur ces fameuses fonctions mentales, et que ça vise même souvent à transformer la définition initiale que vous aviez. Et que ça, ce point de vue-là, d'après moi, me semble... Alors, on peut évidemment en discuter, mais c'est là qu'il y a pour moi une source de progression. Et ça marche sur les états mentaux, ainsi de suite. Alors, évidemment, le programme général, en tout cas partagé par ces philosophes analytiques, et évidemment vous aussi, la dernière fois, on a parlé, mais là, c'était une manière de provocation que j'avais eue par rapport à votre ouvrage, le dernier ouvrage où vous parlez de votre pratique du Talmud. Donc, il y a un grand programme naturaliste, c'est ainsi, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de matérialisation, on pourrait dire, pour exagérer les choses, de monisme de l'attitude, en tout cas un matérialisme strict méthodologique. Oui. Quand vous regardez ce qui se passe dans les circuits neuronaux, là, bon, première critique que font certains, y voyant la perte du sujet, c'est d'abord de dire, mais ça c'est une vieille ancienne, qui est de dire réductionnisme. Oui. Qu'est-ce que vous répondez ? Ben, deux choses. Alors, le premier point général, et là aussi je renvoie vers un des articles qui présente cette idée phare, d'après moi, qui est intéressante, c'est l'article de Jérôme Sacure dans ce numéro de Cité, qui vise à dire, en fait, et je pense que ça peut clarifier le débat justement, c'est que souvent, lorsqu'on n'est pas neuroscientifique, et qu'on découvre dans la presse, dans les médias ou par des conférences, tout un ensemble de données extrêmement nouvelles, on peut avoir l'impression que les neurosciences cognitives sont en train de produire une révolution conceptuelle. Et ce que Jérôme Sacure écrit très bien, et je crois qu'il a raison, c'est que plutôt qu'une révolution, il s'agit plutôt d'une restauration. Et précisément d'une restauration d'un discours matérialiste intégral qui était celui qu'on pouvait trouver par exemple au XVIIe siècle avec les débuts de développement de la philosophie naturelle. Et même en poussant au-delà de Descartes, puisque Descartes est un sujet un peu à discuter de ce point de vue-là, mais du genre un matérialisme à la maîtrise, Vaucanson, etc. L'idée qu'on puisse mettre à l'œuvre, en pleine lumière, les mécanismes de l'esprit, les mécanismes biologiques de l'esprit. Et on est vraiment dans la restauration de ce discours, c'est-à-dire que notre cadre conceptuel c'est celui-ci. Alors pour une fois vous avez dit ça, votre question du réductionnisme, moi je la renverrai à chaque fois à la question de l'image que vous vous faites du concept que vous utilisez. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez un terme de sujet par exemple, imaginez que réduire le sujet ça veut dire que vous allez ramener le sujet aux oscillations d'un pendule amorti, c'est que l'idée que vous vous faites du discours scientifique matérialiste sur le sujet est très pauvre. Mais c'est pas grave, mais c'est comme ça. Autrement dit, le niveau de discours matérialiste qui va permettre d'expliquer la complexité d'un sujet ne doit pas effrayer parce que, évidemment, la complexité en question n'est pas sacrifiée par l'approche matérialiste. Voilà, c'est un premier point qui me semble important. Le deuxième, c'est que je donnerai un exemple de la vie de tous les jours. Je vous ai dit, mon sujet de recherche, c'est la conscience. Et la conscience, je l'ai étudiée en laboratoire, j'y suis toujours, etc., dans plein de situations, voilà, qui me permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe de conscient, d'inconscient dans votre esprit, comment ça se passe dans votre cerveau, dans mon cerveau, etc. Et lorsque je suis revenu à l'hôpital, comme neurologue, je me suis dit comment je vais essayer d'utiliser, de traduire, de faire une sorte de recherche translationnelle, de faire profiter la médecine de ces travaux. Est-ce que c'est possible ou pas ? Et en fait, j'ai réalisé au bout d'un certain temps que... plutôt que de savoir si vous prenez conscience de quelque chose ou pas, il y a des malades chez lesquels la question de savoir s'ils sont conscients de manière intransitive, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont conscience d'eux-mêmes, de l'environnement, quel que soit le contenu de leur conscience, si vous voulez, est-ce que ces malades sont conscients ou pas, on ne sait pas y répondre de manière très très forte. Je pense à tous les patients qui sont entre l'état végétatif, l'état de conscience minimale, quelques pièges comme des patients conscients mais paralysés qui ne peuvent pas communiquer, etc., etc. Eh bien, chez ces malades, ce qu'on a mis en place, et avec notre équipe mais aussi d'autres équipes dans le monde, on met en place depuis une quinzaine d'années des outils qui vont nous permettre de faire une étude neurologique, sémiologique, donc l'examen clinique très très fin, beaucoup plus fin qu'avant, mais en plus on utilise des outils comme l'IRM, les EEG, etc. Eh bien, à chaque fois ça me fait un petit peu, entre guillemets, sourire lorsque j'entends cet argument de dire, voilà, en mettant des gens dans une IRM, dans un EEG, etc., vous allez perdre l'identité subjective, vous allez transformer le sujet en objet de technoscience. Ben, ce qu'on fait en fait, c'est le contraire. C'est que chez des malades chez lesquels vous n'arrivez pas par le biais du comportement à avoir accès à leur subjectivité, vous déployez tous les efforts que vous êtes capable de faire aujourd'hui pour réinscrire la subjectivité, mais cette fois-ci qui peut s'exprimer par d'autres moyens. Ça veut dire être capable de voir si un patient est capable de prendre conscience du monde, de lui-même, mais cette fois-ci, comme il ne peut pas vous le dire, vous allez essayer de lire ça dans l'activité de son cerveau. Et donc, de ce point de vue-là, on peut évidemment inverser totalement la perspective et voir qu'il y a un effort même humaniste dans cette démarche. Bien sûr, et en là, celui qui me frappe le plus et qui m'a sidéré lorsque je l'ai découvert, d'ailleurs je vous en ai parlé beaucoup depuis, c'est la question des personnes qui, à la suite d'un accident, sont block-in. Voilà. Verrouillé de l'intérieur. Oui, c'est ça, verrouillé de l'intérieur. Juste avant une petite question aussi de méthodologie. Alors là, on redescend vraiment, vraiment vers le questionnement épistémologique presque standard. Dans le livre de Forrest, il y a un moment où il critique l'utilisation du contraste Bold. Bon, on voit très bien que... L'outil par excellence, c'est l'IRMS, hein, c'est l'IRM qui permet donc de voir cette activation. Cette activation, elle est strictement liée à l'hémodynamique, hein, c'est-à-dire qu'il y a une concentration de sang à ce moment-là, et on se dit tiens, ça s'allume. Bon, on pourrait l'expliciter très très facilement avec l'exemple des gens qui sont fermés sur soi, c'est fermés sur eux-mêmes. Il dit, attention, et là, c'est de l'épistémo pur et dur, c'est-à-dire que c'est pratiquement, il fait de l'hémodynamique, la physique est hémodynamique. Hein. Est-ce que ça vous a intéressé ce passage? Mais oui, grandement. Oui, il dit, attention, vous êtes sûr là qu'il y a vraiment une concentration, parce qu'il y a des petits effets de valve qui font qu'il pourrait y avoir une espèce de dépression et de retour. C'est extrêmement important, et cet effort-là, d'abord, il est vital, cet effort de perspective critique par rapport aux données que nous mesurons. Mmh. Denis Forest le fait merveilleusement, mais par exemple, avant de venir chez vous, à l'ICM, dans notre institut, on recevait ce matin Denis Lebihan, qui est un collègue et qui est un des pères de l'IRM fonctionnel et de l'IRM de diffusion. Et il terminait sa conférence, qui travaille à Neurospin, en nous disant peut-être que l'effet Boll, là, ce fameux effet qu'on mesure, peut-être qu'en fait, c'est un reflet, on sait que c'est un reflet indirect de l'activité neuronale. Ce n'est pas ça qui est le reflet, une mesure directe, comme on peut l'avoir avec d'autres outils électrophysiologiques, par exemple. Je donne simplement la raison de l'acronyme, hein, c'est Blood Oxygen Level Dependent. Voilà. En gros, on estime la concentration de sang en oxygène par une technique d'IRM. Voilà. Et son idée, c'était de se dire peut-être qu'après tout, ce qu'on mesure dans ce débit sanguin cérébral, c'est pas tellement, c'était presque une boutade, mais c'était une boutade sérieuse. C'est peut-être surtout un système de refroidissement du cerveau qui chauffe un peu. Alors, qui nous intéresse, hein, évidemment. Mais alors, pour en revenir à votre remarque, c'est que premièrement, je pense qu'il est extrêmement important, comme Denis Forest le fait, d'autres le font, et nous le faisons aussi, de garder une perspective critique. Mm-hmm. Mais ça a une conséquence aussi, ça veut dire que lorsque nous médiatisons ces connaissances, eh bien, c'est un point qui m'a toujours été extrêmement, auquel je suis extrêmement attaché, aussi bien dans des interventions, ou dans des livres, ou dans, dès qu'il s'agit de, non pas de vulgariser, mais il y a ce terme de divulgation, d'arriver à faire appréhender par quelqu'un qui est extérieur au domaine cette science-là, eh bien, ça veut dire qu'il ne faut pas sacrifier à la complexité. Oui. Ça veut dire qu'il ne faut pas se gêner de rentrer dans le détail de quelque chose, en évitant une technicité inutile, mais en soulignant exactement ce que vous êtes en train de mesurer, ce qui permet justement d'éviter beaucoup d'erreurs fallacieuses, beaucoup de simplifications abusives, beaucoup de fantasmes sur qu'est-ce que... Et dès lors que vous prenez le temps, moi c'est mon expérience, quand vous prenez le temps de le faire, que par exemple quand on vous dit on est capable avec une IRM de détecter mieux que le hasard si un sujet pense à une maison ou à un visage. Alors la version radicale de ça, quand vous lisez ça dans Yahoo, dans Google, et je critique pas les médias, c'est juste quand vous prenez l'information brute, transformée, vous allez vous dire on sait décoder la pensée avec une IRM. Mais quand vous voyez ce qui se passe vraiment, ça veut dire qu'avec des algorithmes sophistiqués, on arrive à faire mieux que le hasard, c'est-à-dire en gros, si on vous a présenté une maison ou un visage, au lieu d'être capable de dire une fois sur deux ce serait le niveau du hasard si vous avez 50% de chacune des possibilités, si vous arrivez à démontrer que votre système permet dans 52% des cas d'avoir une performance correcte, eh bien là vous faites mieux que le hasard, ça veut dire que vous êtes déjà capable d'extraire une information qui nous parle de la manière de laquelle le cerveau perçoit une information et représente le monde, mais ce qui ne veut pas dire que vous êtes en transparence totale sur et que vous lisez vos pensées en temps réel dans une IRM. D'accord. Et donc vous voyez, je pense que ces choses-là, c'est-à-dire de prendre le temps d'expliquer quels sont le périmètre précis de ce que nous mesurons, est-ce que nous, c'est important pour nous, ça nous le savons, on espère le savoir, mais aussi pour évidemment pour la discussion de ces données avec l'extérieur de la communauté. Simplement du point de vue de la sociologie ou plutôt de la division sociale des tâches, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a par exemple des hémodynamiciens ou des neurologues spécialisés dans l'hémodynamique qui regardent bien, qui vérifient, parce que ça c'est le basal d'une certaine manière, hein, et qu'il y a encore des progrès à ce strict niveau déjà. Oui, non, mais il y a énormément de progrès. C'est ça qui est toujours aussi étonnant, qui peut parfois des fois effrayer les non-chercheurs, c'est que la plupart des phénomènes sur lesquels nous nous penchons, ou même des phénomènes que nous utilisons pour explorer d'autres phénomènes, par exemple ici, vous faites appel à ce qu'on appelle le couplage neurovasculaire. On sait depuis plus d'un siècle, Roy et Sherrington, on sait depuis plus d'un siècle que quand une région du cerveau se met à fonctionner un peu plus à l'instant T qu'à l'instant T, moins 1, eh bien elle va recevoir plus de sang oxygéné. Voilà. Ça c'est ce couplage. Eh bien en 2015, on sait énormément de choses. On pourrait faire un mois d'émission en plein temps, qui ne serait pas très intéressante probablement, mais en énumérant tous les mécanismes causaux impliqués dans la régulation des astrocytes, le couplage du lit microvasculaire, etc. Donc il y a beaucoup de choses, mais pour autant, une théorie claire et radicale de qu'est-ce que c'est que le couplage neurovasculaire, on ne l'a pas encore. Et pourtant, on ne s'empêche pas d'utiliser ça comme outil pour étudier d'autres phénomènes. Donc, c'est pour ça que je revenais sur cet argument dialectique. C'est que si vous imaginez que la recherche, on a des choses certaines, et on s'appuie dessus pour arriver à comprendre des choses nouvelles. Parfois, c'est comme ça, mais la plupart du temps, c'est pas comme ça. La plupart du temps, c'est vous avez des choses qui ne sont pas certaines, vous ne savez pas très bien ce qu'elles veulent dire, vous vous mettez d'accord sur des mots pour les baliser, et votre idée, c'est qu'en étant guidé par ce principe de rationalité et d'objectivité, vous allez progressivement affiner le sens des mots que vous utilisez. Et donc, vous allez arriver à des définitions, à une sémantique du vocabulaire, qui sera beaucoup plus inimaginable par rapport au point de départ. Imaginez, vous prenez un grain de sable. Eh bien, un grain de sable dans l'Antiquité et un grain de sable aujourd'hui, avec la théorie de la matière, évidemment, l'idée qu'on a derrière un grain de sable, ce n'est pas du tout la même. Bien sûr. Pourtant, bien vous pouvez garder le même terme. Eh bien, ce qui se passe, cette difficulté, c'est de ne pas être rigidifié sur un vocabulaire auquel vous ne voulez pas toucher parce que vous avez peur de le salir en le touchant, mais auquel cas, vous restez dans votre fauteuil, et puis c'est peut-être sympathique, mais vous ne faites pas de la science. Et puis, à l'inverse, d'être capable d'avoir cette souplesse, mais qui ne doit pas non plus conduire à des dévoiements, on pourrait dire. Bien sûr, mais vous cherchez quand même toujours, et vous le répétez, et c'est un petit peu aussi répété dans les différents articles, qu'il y a des schémas de causalité que vous essayez de respecter. C'est simplement une petite remarque que je fais, parce que avançons d'un pas, maintenant, allons dans un... On était là dans la question de l'hémodynamique, élargissons largement, on constate aussi qu'il y a une... Parce que quand on dit neurosciences cognitives, on pourrait rajouter aussi que maintenant se développe, alors il y a un effet de mode, on peut toujours dire ça, mais c'est un argument un petit peu facile, hein. Il y a une neurolinguistique, il y a une neuroéconomie. Il y a tous les neuros. Il y a des neuros de tout. Bon, si on regarde la neuroéthique, par exemple, alors quel est votre sentiment là? Parce qu'il y a un article qui lui est consacré. D'un seul coup, là on tombe sur un problème très très particulier, tout à fait différent, puisque l'éthique, la morale, on sait très bien, bon, il y a deux grands camps, hein, il y a l'attitude, grosso modo, qu'on peut ramener à Kant, hein, déontologie, c'est une morale stricte, et puis il y a la morale venue de philosophes pragmatistes, hein, utilitaristes, et qui est la morale conséquentialiste, où on essaye de voir toutes les conséquences d'une décision, et que c'est celle-ci qu'on fait. Donc évidemment, dans le cas célèbre où il y a un voyou qui arrive chez Kant, et puis la police arrive derrière, est-ce que Kant doit dire, j'ai un voyou planqué chez moi ou pas? Bah évidemment, le conséquentialiste va dire, vous êtes un salaud si vous dites qu'il y a un voyou planqué chez vous parce que vous le dénoncez. Bon, voilà, pour faire image. Neuroéthique, là on est là encore sur autre chose, parce que il y a donc les neurosciences qui s'occupent de la perception, ainsi de suite, on va pas revenir sur tous les détails. Et vis-à-vis des valeurs, alors, quel est votre... D'abord, qu'est-ce que vous posez comme principe de base? Alors, disons, d'abord, sur le premier plan de votre question très générale, sur les neuros quelque chose, je pense qu'il y a peut-être quelque chose de maladroit dans les termes. Moi, ce n'est pas des termes que j'utilise, en fait. Je pense qu'il y a d'un côté un discours des neurosciences qui peut être justement mis en voisinage, en interaction avec d'autres disciplines. D'accord. Mais que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez ridicule à entendre, voilà, de la neuroéconomie au neuromarketing, à la neurotéologie, à la neuro... neuropublicité. Ensuite, ça dépend, ça peut être des effets marketing, de forger un nouveau mot, etc. Mais moi, ce que je crois, c'est que dans l'interdisciplinarité, justement, il faut faire attention. Je suis un apôtre, entre guillemets, de l'interdisciplinarité. Je pense qu'on n'a pas le choix, pour des raisons que j'essaie d'expliquer dans l'article et dans certains livres. Mais pour autant, là aussi, c'est plutôt une leçon un peu, en tout cas, un regard nuancé. Je pense qu'on n'a pas le choix. Mais pour autant, il faut savoir que c'est très difficile de faire de l'interdisciplinarité. Et la première raison pour laquelle c'est difficile, une des premières raisons, c'est que d'abord, souvent, on ne s'entend pas sur les termes. Donc, le neuro quelque chose et le éco quelque chose ne vont pas parler de la même chose. Et donc, vous pouvez avoir une sorte de dialogue de sourds qui pense qu'ils parlent de la même chose, mais en fait, il y a une sorte de piège nominaliste. En fait, à la fin, il y a juste le mot qui est commun, mais il n'y a rien de commun. Et l'autre chose, c'est que si vous vous arrêtez à l'intersection stricte des deux disciplines, souvent, vous allez avoir une sorte de savoir peau de chagrin. C'est-à-dire que pour pouvoir, par exemple, mettre quelqu'un dans une IRM, vous allez, du point de vue linguistique, simplifier un paradigme extrêmement complexe à quelque chose qui va être extrêmement très ténu. Oui, presque trivial. Alors, pour autant, cette frontière est précieuse dès lors que vous êtes capable de continuer à la regarder et à la faire résonner en vous à partir des deux points de vue initiaux. D'accord. C'est pour ça que plus que l'espace conjoint de la frontière, je pense que c'est plus la circulation entre les deux domaines qui est importante. Maintenant, pour la neuroéthique, ce que vous disiez... Et malheureusement, il nous reste 2 minutes et demie. Ah bah c'est bien, c'est un bon teasing pour développer ça, parce que en 2 minutes, on ne pourra pas dire grand-chose. Oui, nous prendrons rendez-vous. Voilà, non, mais simplement que, sans là aussi être trop long, mais l'idée de base, c'est quoi? C'est que, est-ce que si l'on... On a une connaissance plus adéquate de la manière de laquelle nous prenons des décisions dans la vie de tous les jours, et donc de laquelle nous sommes capables ou pas de réguler nos comportements. Est-ce que prendre en compte cette connaissance peut être utile dans le cas de questions qui vont de questions juridiques à des questions éthiques? Ça veut dire que là, derrière, évidemment, les concepts qu'on va revisiter et dont la dimension dialectique va évoluer, c'est que ce que vous allez appeler le libre-arbitre, ce que vous allez pouvoir appeler la responsabilité, comment est-ce que vous allez éclairer ces concepts par ces connaissances? Et là, on n'aura pas le temps, mais juste pour dire rapidement, il y a des pièges. C'est que faire semblant qu'on a besoin des neurosciences pour savoir que la question du libre-arbitre est une question complexe, on n'a pas besoin des neurosciences. Je veux dire, on peut, pour le coup, lire vraiment de la philosophie, lire au moins Spinoza, par exemple, pour avoir un regard assez... assez rationnel et assez révolutionnaire pour le coup. Alors, du coup, les neurosciences ici, elles n'inventent pas la roue. Simplement, elles permettent de rentrer dans des hypothèses philosophiques ou conceptuelles, de voir comment, par exemple, je prends des exemples, la dimension juridique. Mon collègue Laurent Cohen avait vu un patient qui avait fait une hémorragie cérébrale qui, depuis, se mettait à voler des voitures. Et il est resté pendant plus de 10 ans, je ne sais plus le nombre exact d'années, en ayant des peines judiciaires, en allant en prison. Personne ne s'était posé la question de savoir si dans sa prise de décision, il y avait des phénomènes qui échappaient à un niveau d'arbitrage complexe, subjectif, singulier. Ces éléments-là, évidemment, sont importants. Mais je vois qu'on peut... Il est temps de finir. Non. Simplement, on peut, pour bien souligner le fait, c'est que là, quand on parlait de la perception, on parlait plutôt des faits. Et là, on est devant la question des normes, plutôt que les faits, que les normes. Là, et qui, pour le coup, dernier mot, c'est que les normes, évidemment, impliquent, comme beaucoup des phénomènes dont on a parlé aussi, mais là, de manière absolument absolue, la prise en compte de la dimension sociale ces phénomènes. Bien sûr. Mais on l'a déjà dit, c'est pas un cerveau dans un bocal. Oui, alors que John Searle a fait le cerveau dans une cuve et qu'il a essayé de réfléchir à ce qui pouvait se passer. Mille merci. Mille merci à vous, Lionel Nakache. Je redis le titre de ce numéro 60 de la revue Cité, Que pensent et que veulent les neurosciences, que vous avez coordonné, et dont le directeur est Yves Charles Arca. Et c'est publié, bien sûr, c'est important, aux éditions des PUF. C'était Continent Science. Merci de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont toujours les bienvenues. Aux manettes est toujours aussi attentif Jean-Frédéric aujourd'hui. Pour la documentation, Henri Leblanc. À la réalisation, bien sûr, Dany Journeau. Stéphane Delisgeorges, Continent Science est balado-diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr à l'émission Continent Science.